بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue aux chers frères. On va commencer aujourd'hui inshallah ta'ala une série de cours, une série de rappels sur des sujets différents bi'idhnillah ta'ala. Et donc le sujet d'aujourd'hui concerne l'exagération. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, Ya ahl al-kitab, la ta'lou fi dinikum wa la ta'koulu ala Allahi illa al-haq. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Innama al-Messihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ. Certes, le Messie, fils de Mariam, est le messager d'Allah, ainsi que sa parole qu'il lui a insufflée. Donc il a insufflé à Mariam lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a créé Isa avec sa parole Kun. Avec sa parole Kun. Donc Isa est sa parole. On dit que Isa est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est voulu par là, c'est la parole kun, soit. Wa ruhu minhu. Certains vont traduire par une âme, un esprit, etc., etc. Mais on l'a déjà abordé ici dans cette mosquée. On l'a déjà abordé ici. C'est que ruh, ce qui est voulu par là, comme il dit Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est le secours. Un secours venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un secours venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ruh, Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie différents éléments pour secourir ceux qui sont sur la vérité. Et il appelle cela ruh. Parfois ça va être Jibril, parfois ça va être le vent, parfois ça va être autre chose. Et tout cela rentre dans le terme ruh, comme il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il réplique aux ambiguïtés des chrétiens par rapport à ce sujet, ruh. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Alors croyez en Allah et en ses prophètes et en ses messagers. Wa la taqulu thalatha. Et ne dites pas trois, donc les trois divinités. Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-ayah hadhara ahl al-kitab 'umuman. Et donc dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il met en garde contre l'exagération. Il met en garde les gens du livre de façon générale, mais les chrétiens de façon spécifique, leur exagération qu'ils ont eue envers Isa alayhi salam. Et Allah il nous montre que l'exagération s'oppose à la vérité. La tarlou fi dinikum wa la takoulou ala Allahi illa al-haq. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. L'exagération s'oppose à la vérité. Même si cette exagération concerne les meilleurs des créatures. Ici on a Isa qui fait partie des meilleurs des prophètes. وبين الله تبارك وتعالى أن الغلو في الصالحين من سمات أهل الجاهلية. Et aussi Allah تبارك وتعالى il nous montre aussi dans ce verset que l'exagération quant aux pieux fait partie des caractéristiques des gens de la période anté-islamique. Elle fait partie des caractéristiques des kafirines. Il n'est pas convenable que le musulman ait en lui cette caractéristique, le fait d'exagérer concernant les pieux. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. Al-Bukhari le cite dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'exagérez pas me concernant. » De la même façon que les chrétiens ont exagéré concernant Isa ibn Maryam. Certes, je suis un serviteur, je ne suis qu'un serviteur. Alors, dites le serviteur d'Allah et son messager. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il mettait en garde contre le fait d'exagérer le concernant. L'imam Rabi', il dit ici, concernant ce hadith, il dit « Wallahi ya ikhwa, mais nardal ghuluwa fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wala fi ashabih, wala fi ahli baytihi, fa kayfa narda bil ghuluwi fi ghayrihim, mimman la yusawi al-wahidu minhum, sha'ratan min sha'arat ha'ula'i al-kiram al-barara. » Il dit par Allah, oh cher frère, nous n'acceptons pas l'exagération concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non plus l'exagération concernant ses compagnons, ni les membres de sa famille. Que dire du fait d'accepter l'exagération concernant d'autres individus qui ne valent même pas un cheveu des cheveux de ces gens-là, de ces pieux, de ces bararas, de ces nobles. Ensuite, il continue l'imam Rabi', hafidhahullah, et il dit « Wa narfudu al-ghulu fi ayyi shakhsin kan, wa law kana fi shakhsi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. » Il dit « Nous refusons, nous rejetons l'exagération sur quiconque, envers quiconque, même concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amalan bi awamirihi wa tawjihatihi, tout cela en œuvrant avec ses ordres et ses recommandations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, n'exagérez pas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'exagérez pas me concernant de la même façon que les chrétiens ont exagéré concernant Isa, fils de Maryam. » Fin de citation. « Fabardoum nas, kod yavunnu, en almanhiya anhu huwa l'gulu, ay ittikhadu shakhs, ilahatan min dunillah. » Certaines personnes peuvent penser que ce qui est voulu ici dans l'interdiction de l'exagération, c'est le fait de prendre la personne comme divinité en dehors d'Allah. Alors que c'est faux, c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension. L'exagération concernant les individus, concernant les pieux, est interdite de façon générale, que ce soit dans l'adoration ou autre. Que ça soit dans l'adoration ou autre. L'exagération dans notre religion est interdite de façon générale. Elle est blâmable. Voilà pourquoi il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dans Sunan al-Nasa'i. Il dit « Iyakum wal-ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. » Et donc dans Sunan al-Nasa'i, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Méfiez-vous, délaissez l'exagération. » C'est général. Délaissez l'exagération, car ce qui a mené les peuples d'avant vous à leur perte est l'exagération. Et donc ici, on a l'interdiction de l'exagération dans son sens général. Et donc l'exagération est interdite sous toutes ses formes. Tu dois être dans le juste milieu. « Wa raf'u an-nasi fawqa manazilihim qad yu'addi ila shirk » Et le fait d'élever les gens au-dessus de leur rang peut aussi entraîner le polythéisme. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme divinités en dehors d'Allah. Ils ne les ont pas adorés comme on voit dans certains tafsirs. Ils ne se sont pas prosternés pour eux. ولكنهم يعتقدوا فيهم أهلية التحليل والتحريم. Cependant, ils ont eu la croyance concernant ces moines et ces rabbins qu'ils avaient la capacité d'interdire, de dire ce qui est interdit. et de dire ce qui est licite en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela à cause de l'exagération qu'ils avaient pour leurs moines et leurs rabbins. فالآن كثير من الناس يظنون في من يدرسه يغلون في من يدرسهم يرفعونهم فوق منازلهم وهذا من أسباب الفتن. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vont exagérer quant à ceux qui leur enseignent, quant à ceux qui leur donnent des cours. Ils vont les élever au-dessus de leur rang. Et ça fait partie des causes des troubles, des fitanes. Rien qu'ici, à Mulhouse, on est témoin de ça. On est témoin de cela. Des fitnas qu'il y a eu ici à Mulhouse parce que certaines personnes ont élevé d'autres au-dessus de leur rang. Au-dessus de leur rang. Lorsque tu élèves cette personne au-dessus de son rang, et que cette personne, elle dévie, qu'est-ce qui se passe? Tu la suis. Tu la suis. Dans sa déviance, dans son égarement. Comme on le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. وَأَيْضًا بَعْضُ الْمُدَرِّسِينَ لَا يُرَبُّونَ النَّاسِ عَلَى عَدَمِ الْغُلُوِ فِيهِمْ. On a aussi certains enseignants ou certains prêcheurs qui ne vont pas éduquer les gens en leur enseignant le fait de ne pas exagérer les concernant. Alors que cela fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'enseigner aux gens, le fait de ne pas exagérer nous concernant, cela fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Akhraj al-imamu Ahmed fil musnad. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد بن عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. Il dit صلى الله عليه وسلم je suis محمد بن عبد الله ainsi que son messager, je n'aime pas que vous m'élevez à un degré qui est au-dessus de celui qu'Allah m'a accordé. Il enseigne cela à qui? À ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, à ses élèves. Et donc le prédicateur, l'enseignant, doit enseigner aux gens le fait de ne pas exagérer le concernant. Car ces gens à qui tu donnes des cours, ça a un impact sur eux, ça a un impact sur leur cœur. Il faut que tu leur montres dès le début, attention, je suis un être humain, je peux me tromper, ne me suis pas dans l'erreur. Je suis là pour être profitable, mais attention. Ça c'est très important, barakallahu fikoum les frères. L'imam Rabi' il dit ici, « Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha ja'a la yakumu lahu ahad » Limadha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait, personne ne se levait pour lui. Pourquoi? Pourquoi personne ne se levait? Lima ya'rifuna min karahiyatihi li dhalik. À cause du fait qu'il savait qu'il détestait cela. Ma shay'un kana ahabba ila ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Min an yarawhu walakin la yakumuna lahu yati wa hum jalisun ma yataharraku ahadun minhum kullu wahidun thabitun fi majlisih li anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yakrahuhu wa li annahu yurabbihim ala adami al-ghuluwi fihi hatta fi as-salat. Il continue l'imam Rabi'a, hafidahullah, et il nous dit, il n'y a pas une chose que les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimaient plus que le fait de le voir. Cependant, ils ne se levaient pas pour lui. Ils venaient, ils étaient assis, personne ne bougeait, chacun restait à sa place. parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam détestait cela et parce qu'il leur enseignait le fait de ne pas exagérer le concernant. Même dans la salat. Ne pas exagérer concernant le prophète, il arrive, ne te lève pas. Ne te lève pas, reste à ta place. On ne se lève pas comme on le fait pour le, comme certains l'ont fait pour les rois, etc., etc. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on se fasse le rappel mutuellement concernant l'exagération. N'exagère pas concernant ton frère lorsque tu vois qu'il fait des efforts, lorsque tu vois qu'il a avancé, il apprend, il a avancé dans l'arabe, dans le Coran, etc., etc. Ne pense pas qu'il a la science infuse, qu'il connaît tout, qu'il ne peut pas se tromper. L'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, il nous met en garde contre cela. Tous, nous pouvons prendre leur parole ou la rejeter, sauf celui qui est dans cette tombe. Il a montré la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'imam Malik qui parle. Que dire de nous, à notre époque? Le problème, à notre époque, c'est que les gens ils vont exagérer concernant des ignorants. Concernant des ignorants, ça y est, la personne, elle a l'arabe, c'est fini. C'est fini, Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah. On lui pose toutes les questions. Toutes les questions. On ne lui demande même pas de preuves. C'est bon, un tel, il a dit. Il m'a dit halal, c'est halal. C'est halal. On ne cherche même pas à comprendre. Une personne a un peu d'éloquence, un peu de Coran, un peu de hadith, c'est fini. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se méfie, c'est pour notre religion, c'est une question de paradis ou d'enfer. Kathirun min al-fitan al-hasila fil umma sababuha al-ghulu fil ashkhas. Beaucoup de fitan, beaucoup de troubles qu'il y a dans la communauté sont dus à l'exagération quant à certains individus. Le fait que certaines personnes se sont trompées, ont dévié, et d'autres ont exagéré concernant cette personne. Comme on a pu voir avec la fitna de Moussa Afrika. Fennas yajalouna ikhwanahum humul mizan. Fil fitan. Ma anna al mizan al kitab wa sunna. Et donc les gens, ils vont placer leurs frères au rang de référence. Al mizan, ce sur quoi tu te bases pour distinguer le vrai du faux. Alors que la référence qui te permet de connaître le vrai du faux, c'est le Coran et la sunna. C'est pas un tel ou un tel. C'est le Coran et la sunna. لما ناقش ابن عباس رضي الله عنهما بعض الناس في مسألة فذكر لهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ولكن قال أبو بكر وعمر. ابن عباس lorsqu'il débattait avec certains concernant un sujet et qu'il leur a cité un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, ils lui ont dit oui mais Abu Bakr et Omar ont dit. Abu Bakr et Omar ont dit. Il a répondu en disant Yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Omar. Faisant faux que des pierres ne tombent sur vous depuis le ciel. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous dites Abu Bakr et Omar ont dit. Ici, il a montré l'interdiction de l'exagération concernant qui? Abu Bakr et Omar, les meilleurs de cette communauté. Que dire de tous ceux qui viennent après? Que dire de tous ceux qui viennent après? Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on ne tombe pas dans ce piège. El rouloum fi shakhs yaj'alun nas yattabi'unahu fi zallat bel fi dhalalat. Le fait d'exagérer concernant une personne fait que les gens vont suivre cette personne dans ses erreurs, encore plus que ça, dans ses égarements. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, il dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Oh, dit, oh, gens du livre, n'exagérez pas, toujours n'exagérez pas dans votre religion, en délaissant la vérité, et ne suivez pas les passions de ceux qui ont dévié avant. Et donc le fait d'exagérer concernant certaines personnes, le fait d'exagérer dans la religion va entraîner que tu vas suivre des individus dans l'égarement. Tu vas les suivre dans le faux. Et c'est ça qui est la cause des troubles, des fitanes. Comme on l'a cité précédemment, certaines personnes peuvent nous dire « Ah, fitane. » À chaque fois, elles nous parlent de fitane. Hein? À chaque fois, elles nous parlent de fitane. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parlait des fitanes. Il parlait des fitanes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de hadiths dans lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne les fitanes et mettait sa communauté en garde contre les fitanes. Dans Sahihain et autres, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant aux tabi'oun, ils mettaient en garde contre les fitanes. Parce que ce sujet est important. Afin que tu te préserves des fitanes. Comme cela est connu d'Ibn Mas'ud, de Mu'adh et d'autres compagnons. Inna min wara'ikum fitanan. Il y a derrière vous des fitnas qui vont arriver, des périodes de troubles. Halakal murtaboun. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi le murtab? Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition. Ça veut dire quoi ça? Ceux qui sont dans le doute. Il nous dit, Cheikh Rabia, ce qui est voulu, ce sont ceux qui ont aqida, da'ifa, ils sont faibles. Ils sont faibles. Une fitna, elle arrive. Allez hop. Parce qu'on ne cherche pas à apprendre c'est quoi le manhaj. On ne cherche pas à apprendre c'est quoi notre aqida. La aqida sahiha. On ne cherche pas à l'apprendre. Et donc on est là, oui, alhamdoulilah, je connais la sunna, mais je la connais, mais pas trop. On n'a pas le temps d'apprendre. Il y a trop de travail, il faut aller chercher des euros. Il faut courir à droite à gauche, j'ai ci, j'ai ça à faire. On n'a pas le temps d'apprendre. C'est quoi notre aqida? C'est quoi notre manhaj? Une fitna, elle arrive. Bam! Il y en a combien qui se font balayer? Halak al-murtaboun. Abu Dawud, il nous cite dans son sunan que Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il dit Inna min waraikum fitanan yakthuru fiha al-mal. ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. Donc il dit Mu'adh رضي الله عنه, il y aura derrière vous des troubles durant lesquels l'argent va augmenter, va s'accroître. Et le Coran sera ouvert. Yuftahu fihi al-Qur'an, ou fiha al-Qur'an. À tel point que le croyant, l'hypocrite, l'homme, la femme, le petit, le grand, l'esclave, la personne libre, tous, ils le prendront. C'est-à-dire, ils nous disent les ulama, on verra des madaris, beaucoup de madaris, pour enseigner le Coran. À l'époque, c'était difficile de trouver une personne qui maîtrise le Coran. Maintenant, il y a des madaris en France, dans les pays des Koufars, tu trouves des madaris partout concernant le Coran. Dans les pays musulmans, dans chaque quartier, tu vas trouver des madaris. Les enfants, depuis tout petit, ils apprennent le Coran. Et malgré ça, on a des fitanes. Il dit un homme qui dira, qu'est-ce que les gens ont à ne pas me suivre? Qu'est-ce qu'ils ont à ne pas me suivre alors que j'ai récité le Coran? Mahum bimuttabi'i hatta abtadi'a lahum ghayrahu. Ils ne me suivront pas tant que je ne vais pas innover pour eux quelque chose d'autre. Il faut que je vienne avec autre chose que le Coran. Et donc il y a beaucoup de madaris, beaucoup, le Coran est enseigné. Et donc cette personne va innover autre que le Coran, autre que la Sunna, afin que les gens le suivent. Alors il nous dit, Mu'adh, fa'iyyakum wa mabtudi'a, fa'inna mabtudi'a dalala. Alors délaissez ce qui est innové, car ce qui est innové est un égarement. Wa uhadhirukum zayrat al-hakim, fa inna ash-shaytan qad yaqulu kalimat ad-dalalah ala lisan al-hakim wa qad yaqulu al-munafiqu kalimat al-haqq. Il dit, et je vous mets en garde contre l'erreur de Al-Hakim, c'est-à-dire le savant. Le sage, ce qui est voulu par là, c'est le savant. Je vous mets en garde contre l'erreur du savant. Car Shaitan, il peut prononcer la parole d'égarement par le savant. Et certes, l'hypocrite peut prononcer une parole de vérité. Et donc, il nous met en garde ici, Mu'adh, contre le fait de suivre un savant lorsqu'il se trompe. Qu'est-ce qui fait que tu vas le suivre lorsqu'il se trompe? L'exagération. Lorsque tu vas le faire passer devant El-Kitab wa Sunna. Voilà ce qui va faire que tu vas le suivre quand il se trompe. La première chose, c'est El-Kitab wa Sunna. Comment est-ce que tu sais que tel savant s'est trompé? El-Kitab wa Sunna. Voilà la balance. Voilà la référence que nous devons avoir. Afin de ne pas tomber dans l'exagération, on va continuer, Inch'Allah ta'ala, demain. Bi'idnillah. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite et de nous préserver de cette maladie, l'exagération. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.